Chapitre 299. La réprobation de marcher une seule chaussure ou une seule chaussette en cuir au pied et de se chausser debout sans raison valable. 1649. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Ne marchez pas avec une seule chaussure au pied, marchez avec les deux chaussures ou retirez-les toutes les deux. » Al-Bukhari et Muslim. 1650. Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Si la lanière de l'une de vos sandales se déchire, ne marchez pas avec l'autre, mais attendez que la première soit raccommodée. » Muslim. 1651. D'après Jabir, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a interdit de se chausser debout. Abu Daoud avec une bonne chaîne de narrateurs.